Cette exécution a coûté 50 000 francs. C'est un beau luxe. Quelques amis de la peine de mort disent qu'on aurait pu avoir cette strangulation pour 25 livres sterling. Pourquoi lésiner? 50 000 francs, quand on y pense, ce n'est pas trop cher. Il y a beaucoup de détails dans cette chose-là. On voit l'hiver à Londres, dans de certains quartiers, des groupes d'êtres pelotonnés dans les angles des rues, au coin des portes, passant ainsi les jours et les nuits, mouillés, affamés, glacés, sans abri, sans vêtements et sans chaussures, sous le givre et sous la pluie. Ces êtres sont des vieillards, des enfants et des femmes, presque tous irlandais, comme vous, monsieur. Contre l'hiver, ils ont la rue. Contre la neige, ils ont la nudité. Contre la faim, ils ont le tas d'ordures voisin. C'est sur ces indigences-là que le budget prélève les 50 000 francs donnés au bourreau Roux. Avec ces 50 000 francs, on ferait vivre pendant un an 100 de ces familles. Il vaut mieux tuer un homme.